comprerese la sia tua maglioretta te fa carrere. Tagliala e gattala lontano. Tu vas faire savoir nos intentions, nos amis siciliens. Dimmi. Qui garde l'œil ouvert. Mes oreilles aussi. Bien ouvert. Son bocal, quand l'on va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir, à 5 et je vise les tassimales, je remplis le cheerleader. Je suis venu prendre un maximum, je vais toujours m'en souvenir. Je ferai dans des sacs, je sais qu'elle va revenir, et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande, ce soir tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir, et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande, ce soir tu nous mets du tatin. 36 diamants aux oreilles, y'a de mon sang dans les rues et au CH. Un jour où l'autre bitch, il n'y a qu'un soleil, je voulais mourir en paix, j'envisage. Reste en point sous Eris, staff, 4 dans l'équipe, tip. Biberon dans un jean Levi's, cross, petit vol et petit calibre, clic. Une règle sans eau, le taulier se fait marade sur la guerre pour les intérêts. Encore un finir tout au fond d'un ravin, y'a trop d'or par semaine. Comme Jockey, garde au long, ça gravait le plus dur est un muet. Des joints sans son chic dans toute la baraque, t'as du mal à respirer. Sous la coque dans son bocal, quand l'eau va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir, un 5 et je vise les tassimales, je remplis les cheerleaders. Je suis venu prendre un maximum, je vais toujours m'en souvenir. Du fric dans des sacs, je sais qu'elle va revenir, et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien, ce soir tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir, et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande de rien, ce soir tu nous mets du tatin. Serre-moi un thé, j'ai grandi pas un redis. Tu fais boxe-toi et karaté, j'ai un six-o automatique. T'es un mot de tête, nous on t'évite, sans t'honorer le paradis. J'ai vécu avant Vicky, viens contre mon squinté. Contre mon squinté, y'a que ma mère qui m'a allaité. T'es un fils d'être bien pas ici, je ramène sur ma vie. Darling, sur ma rallye. C'est un rapide, sur mes nez c'est un rapide. Tu traînerais dans les pages, j'suis toujours en deuil. Justice, ça c'est viral, on vend des mandats, ça ira. À cause des seuls, poursuite votre gauche sur la A7. Coq basé, ouais, 08 pour un G. Petite salope, et à ta joue sous un petit chasse. Des cocktails jetés par des grands places. Du rhum qui s'écrase sur les plexiglas. La crise, on mélange les flammes à la tramontane. On repart en gano. Tout doux chéri, j'vois rien que tu vas pas fond, ma frappe en bano. J'suis quasi sûr qu'ils vendent de la merde entre les deux yeux comme ça va stano. Mes potes d'oseille le troll, on roule en catano. La coque dans son bocal, quand l'eau va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir, un 5 et j'vise les tassimales, j'remplis le cheerleader. J'suis venu prendre un maximum, j'vais toujours m'en souvenir. Du fric dans des sacs, j'sais qu'elle va revenir, et j'sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien, ce soir tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir, et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien, ce soir tu nous mets du tatin. Serre-moi un thé, j'ai grandi par un radis. Tu fais boxe-toi et karaté, j'ai un six-o automatique. T'es un mot de tête, nous on t'évite, sans t'honorer le paradis. J'ai vécu avant Vidi, viens contre mon soin à tête. T'as la fonderie, j'vais tourner toute la nuit. Les princes de la rue, j'suis en Panama. Tu viens ici acheter ta vie, suffit de baisser ta veine. Ça sent comme un rêve, on se trompe doublé, j'fais briller les radars. Quand les types vont fumer les patrons, quand on pourra s'asseoir sur nos lobes, on pensera peut-être à la paix. La crise, on mélange les flammes à la tramontane. On repart en gano. Tout doux chéri, j'vois rien, tu vas pas fond, ma frappe en panne. J'suis quasi sûr qu'ils vendent de la merde entre les deux yeux comme ça va stano. Rien qu'on s'en lisse, mes potes, l'oseille, le trône, on roule en catano. Coque dans son bocal, quand l'eau va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir, un flingue et j'vise les tassimales. J'remplis le cheerleader. J'suis venu prendre un maximum, j'vais toujours m'en souvenir. Du fric dans des sacs, je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. J'sais déjà. Demande, demande de rien. Ce soir tu nous mets du champagne. Mets-nous du bouteille là. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. J'sais aussi. Demande, demande de rien. Ce soir tu nous mets du tapin. Man, fuck. Quel genre, quel genre. Un nouveau S dans le game.